Join me on RIG. Oh, le marché, c'est un contour de Nexo. RIG 90.7. Le chercher plus, c'est 90.7. La 400e. La 400e. La 400e. Bonsoir à toutes et à tous, et surtout à toutes. J'espère que vous allez bien les filles, parce que je suis drôlement content. C'est la 400e saga des Fab Four sur RIG 90.7. RIG le mercredi soir depuis 12 ans, je crois. C'est la radio des Beatles. Et je suis très très content d'être ici, puisque grâce à RIG, nous émettons également sur internet, sur www.rigfm.fr. Ce qui m'a permis... Dans quelques jours, on va fêter les 10 ans de ce groupe sur Facebook, de créer sur Facebook le groupe La Saga des Fab Four, que vous pouvez retrouver tout de suite. Vous allez vous faire inscrire et puis vous pouvez parler avec moi et avec les autres des chansons des Beatles. Et ce sera avec grand plaisir qu'on va vous accueillir. On est 700 et quelques quand même, l'air de rien. C'est bien, c'est très très bien. Heureusement, il n'y a pas 700 personnes qui participent chaque mercredi, parce que sinon ce serait un gros bazar. Mais déjà, ceux qui sont présents, ceux qui écoutent, même sans intervenir forcément, merci à vous toutes et tous. Ça me fait réellement, réellement plaisir. La semaine dernière, nous avons fait un spécial Beatles, 100% Beatles. J'ai décidé que pour la 400e, ce serait les hits de John, Paul, Ringo et George de 1970 à nos jours. Alors, pour être plus impartial, je suis allé sur Internet et je suis allé chercher les hits. Évidemment, malheureusement pour les autres, plus de hits de McCartney et voilà. Mais il y a eu peu de hits de John Lennon parce que malheureusement sa carrière a été courte. Mais au bout du compte, lorsque j'ai pris tous les hits des Fab Four de 70 à nos jours, j'avais 5h30 d'émission. Alors, avec un mouchoir, une boîte de Kleenex à côté, j'ai été obligé de dire « j'enlève celle-là, j'enlève celle-là, j'enlève celle-là » jusqu'à ce qu'on arrive aux 2h d'émission d'aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas tous les hits, mais tout ce que vous allez entendre, ce sont des chansons connues des Fab Four entre 1970 et nos jours. Bref. Vous voulez que je vous dise les 5 premières ? Allez, c'est bien pour vous faire plaisir. On va écouter McCartney. Il y aura un peu plus de McCartney que les autres. Hein. Ah, c'est pas de ma faute, c'est lui qui en a sorti le plus. Il y aura Jet de Paul McCartney sur Ben on the Run. Il y aura George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Il y aura You Give Me the Answer de Paul McCartney. No No Song de Ringo Starr. Et encore Maybe I'm Amazed de Paul McCartney. Voilà pour les 5 premières. Pour le reste, rassurez-vous, il y aura du Lennon, il y aura des autres. Mais pour l'instant, on commence tout de suite. En 1973, Ben on the Run, Jet, c'est sur RIG. Montez le son, vous êtes bien sur RIG. Yeah. plus étonnant chez Paul McCartney, c'est qu'il n'est jamais meilleur que lorsqu'il est mis en difficulté. Alors qu'il partait au Lagos pour enregistrer cet album-là, deux ou trois, je crois, des membres de son groupe l'ont lâché. Il s'est retrouvé à trois, Denny Lane, Linda et lui. Et il a dit, ah ben c'est comme ça, et ben vous allez voir, ça va être le meilleur album. Et c'est vrai que l'album Ben on the Run, même à trois, est absolument fabuleux. Et encore, je vous passe sous silence les problèmes qu'il a eu là-bas. Il a failli se faire kidnapper, on lui avait volé les bandes et tout ça, etc. C'était chaud. Mais quel bel album. La même année, George Harrison nous sort un très très bon album qui s'appelle Living in a Material World. Et ce tube, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, c'est sur RIG. Voici ce que dit George Harrison dans son livre « I'm in Mind » au sujet de cette chanson. « Give me love, donne-moi de l'amour. Quelquefois, tu ouvres ta bouche et tu ne sais pas ce que tu vas dire. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il sorte de ta bouche, c'est le point de départ. Si ça se passe bien et que t'es chanceux, ça peut aussi devenir une chanson. Cette chanson, c'est une prière et un état personnel entre moi, le Seigneur, et quiconque aime ça. » Bon. On va retenir surtout la fin, quiconque aime ça. Merci à toi, George Harrison. On adore cette chanson. Quelle douceur. C'est vraiment très, très, très joli. You gave me the answer. Nous sommes en 1975, pardon, sur l'album Venus and Mars. Paul McCartney sur RIG. places where the cobwebs blow away. I can't forget the airs and graces. Shall we dance? This is fun. Just came from Colombia. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And it makes it hard to find the door. A man I know just came from Nashville, Tennessee, oh. He smiled because I did not understand. He held out some moonshine whiskey, oh-ho. He said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Well, I said, no, no, no, no, I can't take it no more. Up on the floor. No, thank you, please. It only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Ringo Starr, en 1974, avec cette chanson marrante qui dit, en gros, je suis arrivé dans... Enfin, à un moment donné, par exemple, je suis arrivé dans le Tennessee, et puis on m'a donné une énorme bouteille de whisky. Et j'ai dit, non, non, non, non, je n'en bois plus, j'en ai marre de me retrouver par terre, etc. Après, on lui a proposé de la cocaïne. Non, non, non, non, je n'en sniffe plus, parce que j'en ai marre de me retrouver par terre, etc., etc. Donc, c'est une chanson, la non, non, non song, la chanson non, non, non. Et puis, tout est fichu à la fin, parce que les derniers mot, vous les avez peut-être entendus, il dit allez, tu vas me préparer une boisson s'il te plaît, parce que il commençait son époque d'ivrogne, hélas, le pauvre. Mais bon, c'est une belle chanson de Ringo Starr, et c'est sur l'album Goodnight Vienna. Nous revenons un tout petit peu en arrière, sur le premier album solo de Paul McCartney. Si cette chanson était sortie du temps des Beatles, elle aurait été parfaite. Elle est sortie en 1970, elle est parfaite également, mais quelle belle chanson. Maybe I'm Amazed, la chanson pour Linda, forcément, mais la chanson pour tout le monde, pour les femmes. Maybe

la grosse surprise de l'année 1970. Lorsque les Beatles se séparent, on imagine que McCartney ou Lennon vont être les têtes de liste, vont truster les places des hit parades. Et le premier qui casse la baraque, c'est George Harrison avec ce titre My Sweet Lord, qui passe devant ses collègues et pour de bon. Et cette chanson-là, elle est tellement bien qu'on l'entend encore. On l'entend moins souvent, mais on l'entend encore sur les radios, puisque lorsque les radios classiques passent un George Harrison, vous allez entendre soit My Sweet Lord, soit Got My Mind Set on You, alors qu'il en a fait plein d'autres. La preuve, c'est pour ça que la saga des Fab Four existe, pour pouvoir vous prouver que les Beatles ont été très bons entre 1962 et maintenant, et ce sera comme ça tant que je pourrai le faire sur une petite radio qui s'appelle RIG. Voilà, nous progressons, nous progressons de 2 ans. Nous sommes en 1973. John Lennon donne un coup de main à son copain Ringo Starr pour son album qui s'appelle Ringo. Ils vont presque se croiser tous, mais pas au même moment. Et il lui dédie cette chanson, I'm the greatest, je suis le plus grand, je suis le meilleur. Et il avait dit ceci, John Lennon, à propos de cette chanson-là. Si moi, John Lennon, je chante I'm the greatest, on va dire il a un nombril d'enfer, il est immonde, etc. Alors que si c'est Ringo qui chante, on va le prendre que pour une blague. Alors autant l'offrir à Ringo. Et à noter que les applaudissements que vous allez entendre, c'est les mêmes applaudissements qui étaient sur Sgt. Pepper. Way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. Ce soir, c'est la 400e saga des Fab Four. J'ai envie de faire plaisir à tout le monde. D'abord, je vous offre les hits de John, Paul, Ringo et George après la séparation des Beatles. Et même sur le groupe Facebook, Stella a demandé, tu as dit que tout à l'heure que John Lennon a composé la chanson I'm the Greatest pour Ringo Starr. J'aimerais bien entendre cette version-là. Mais comme c'est la 400e, on peut toujours tout me demander. Voici la version de John Lennon, la version qu'il a proposée à Ringo en lui disant, voilà le guide vocal, voilà comment on la chante. Okay, boys, this is it. Yeah, one, two, three, four. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Voilà, c'était juste pour vous montrer, bien dire ce que j'avais dit. C'est une chanson de John Lennon qu'il a donnée à Ringo Starr. Maintenant, nous revenons sur la programmation, donc ne me demandez pas trop de choses parce que c'est déjà prévu, on va déborder sinon. Voici Another Day, les meilleurs des Beatles de John, Paul, Ringo, George, plutôt après la séparation. C'est maintenant pour la 400e. Every day she takes a morning bath, you wet her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom. Chair, it's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. Another day. It's just another day. So sad, so sad. Sometimes she feels so sad. The lonely apartment she dwells till the man of her dreams come.

Tonight sur RIG. Et il y a une chanson qui a sauté, je ne sais pas pourquoi. Quelquefois, mon enregistreur, enfin plutôt mon logiciel, me fait des petits tours dégoûtants, puisque entre les deux McCartney, il devait y avoir It Don't Come Easy de Ringo Starr. Bon, eh bien, ce sera pour une autre fois. Je propose de continuer avec. Je pense qu'il y a eu un petit problème, on récupérera ça plus tard. Nous arrivons en 1980 avec l'album Double Fantasy de John Lennon et ce titre, Just Like Starting Over. En 1980, il avait fait une pause de 5 ans, il se sentait bien, il se sentait libéré des démons de son passé, notamment le côté politique et tout ça. Il était accepté enfin pour de vrai en Amérique, puisque pendant très longtemps il était en Amérique, mais il y avait tout le département Nixon et tout ça qui essayait de le chasser des États-Unis. Il était accepté, il se sentait bien, il était heureux, et puis ça n'a pas duré longtemps malheureusement. Voici cette chanson, Just Like Starting Over sur RIG. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting. Oh, c'était un très très bon album, enfin la moitié d'un très très bon album, avec de belles chansons, il revenait comme il fallait, il se sentait bien, j'ai vu une interview de lui qui disait « J'ai 40 ans, j'ai toute la fête devant moi, je me sens bien, et ça va être chouette ». Et quand on lui disait « Et les Beatles, est-ce que les Beatles vont se reformer ?» Il disait « Oui, c'est possible, on sait pas, on verra, peut-être, peut-être pas, on verra comment la vie sera ». Et puis, ben voilà, vous connaissez le reste. Donc, on ne revient pas dessus, mais c'est quand même franchement dommage. Je voulais parler exprès pour tenter une chose. Si ça marche, tant mieux, on va voir ça, voilà. It Don't Come Easy, Ringo Starr sur RG, je ne m'avoue jamais vaincu. Avec un petit peu d'aide de son pote George Harrison, j'ai le morceau, mais là, si jamais on commence à aller là-dedans, on va dépasser 22h, c'est une certitude. Donc, retour à la saga avec John Lennon et ce morceau qui date de 1969. C'est la dernière fois qu'il marquera Lennon-McCartney. Il n'a pas osé marquer Lennon tout court au départ lorsqu'il a sorti le disque, et un peu plus tard après, il a fini par marquer Lennon seulement, puisque de toute façon, ce morceau était du pur Lennon. Ce qui me fait dire, lorsqu'on râle, je parle du côté de Yoko Ono, parce que Paul McCartney voudrait mettre McCartney-Lennon sur Yesterday, par exemple, parce que c'est plus lui, c'est d'ailleurs que lui qui l'a écrite, cette chanson McCartney. Donc sur certains titres, il voudrait qu'on mette que c'est lui qui l'a écrite d'abord. Eh bien, quand même, Give Me a Chance, je vous assure, c'était écrit Lennon-McCartney, et là, si vous regardez sur les albums sur lesquels il y a cette chanson, il y a marqué Lennon tout court. Alors, 1, 1, 1... 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 c'était pas mal. Yeah. Cette rythmique et puis le bon thème évidemment donne une chance à la paix, ça reste encore valable de nos jours. Nous revenons, enfin nous poussons juste d'une année en 1970 avec cet album extraordinaire de George Harrison. L'album c'est All Things Must Pass et le titre de George Harrison, Isn't It a Pity, sur RG. Shame. How we break. célébrer la 400e de la saga des Fab Four sur RIG, je suis allé chercher sur internet les hits de John, Paul, Ringo, George entre 1970 et nos jours. Seulement les hits. Et lorsque j'ai fait ça, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais 5h30 d'émission. Ça a été très dur de le réduire à 2h, mais voici ce que cela donne. 2h de hits de John, Paul, Ringo et George, c'est la saga. 1980. Même John Lennon a dit, c'est du bon boulot. Coming up sur RIG. Yeah. sortie de cette chanson en 1973. On pouvait imaginer que Ringo pensait à la photo d'une femme qu'il avait perdue et que à chaque fois qu'il regardait cette photo, ça lui faisait penser à cette femme et il se rappelait des endroits où ils allaient, etc. Lorsqu'il a rendu hommage à George Harrison pour le concert pour George, Ringo a dit cette chanson-là, maintenant elle a une toute autre signification pour moi. Et oui, maintenant on pouvait éventuellement mettre une photo de Ringo, ça me donne des frissons rien que d'y penser. Une photo de George, je voulais dire, pas une photo de Ringo. Et Ringo regarde la photo de George et ça lui rappelle les endroits où ils sont allés ensemble et ça lui rappelle qu'il est bien triste d'avoir perdu George. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you say, live and let die. À l'aise dans tous les registres. Là, on lui demandait de faire une bande originale de film pour le nouveau James Bond. Il s'y est collé, c'est parfait. Il est également à l'aise avec des cornemuses. Moon of Kintyre sur RG. Of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, oh mist rolling in from see. My desire is always to be here on Mullikin's Femme fort, la numéro 400, les meilleures chansons de John, Paul, Ringo et George. Paul McCartney here, and you're listening to RG. Widescreen Radio. RG, c'est 90.7. Et voici Say, Say, Say avec Michael Jackson, bien évidemment sur RG. By the phone, I went by.

complètement différente. Voici Instant Karma sur RIG. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, 'cause you're soon gonna be dead. Why in the world are you thinking of laughing in the face of love? You better look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Better recognize your brothers, everyone you meet. On ne pouvait pas faire une émission sur les hits de John, Paul, Ringo, George après la séparation sans une chanson emblématique de John Lennon en 1971 sur l'album éponyme. Bien entendu, il s'agit de Imagine sur RIG. Toujours valable, toujours d'actualité en 2019. But I'm not the only one. imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday. I was swallowing my pain. jealous guy. Look at me, I'm just a jealous guy. Merci John Lennon. Les deux dernières chansons, si on a le temps, j'espère, ce sera du Paul McCartney. Nous sommes en 1976. On lui dit, t'en as pas marre de composer des stupides chansons d'amour? Non, il en fait un tube. Silly Love Songs sur RIG. Dans quelques minutes, il commence à s'échauffer. Il fait des pompes pour l'instant. Eric et Johnny de A à Z sur RIG. I'd like to know, 'cause here I go principe, ça aurait dû s'arrêter là. Mais j'ai demandé à Eric qui, dans sa grande gentillesse, a accepté. Voici le dernier titre. Monk, Berry, Moon, Delight. On hurle tous devant nos postes. Catch up, super duress. vous toutes et tous, et je sais que vous êtes entre de bonnes mains puisque c'est Eric qui prend le relais tout de suite pour Johnny de A à Z. Merci, à très bientôt, salut. C'est normal que je laisse la place pour Thierry. C'est la 400e émission. C'était la 400e du moins. Et vous l'aurez bientôt en podcast demain ou après-demain.